Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc après qu'on m'a informé que dans le 103e vers qui touche au pilier de la salat, qu'il y a eu un dérangement par rapport au fait que j'ai reçu un appel, car j'enregistre depuis mon téléphone, et que j'ai eu un appel en même temps, et que ça a encombré, ça a empêché de la vibration du téléphone à nuit à l'enregistrement. Donc je recommence, Inch'Allah, là, ce death là, rapidement, car ce n'est pas non plus tout le death qui a été endommagé. Une partie peut-être de 1 minute ou 2 minutes. Quoi qu'il en soit, Inch'Allah, on va recommencer entièrement, ce qui touche au pilier de la salat. Je le fais brièvement. Mbeb Taudih. Taïeb. Donc il disait dans la 821e question, quels sont les pieds de la salat? Donc en premier lieu, le fait d'être debout. Al-Qiyam al-Qudra. Comme dans le hadith de Imran ibn Hussein, qu'il a été atteint de Bawasir, c'est-à-dire de comment on appelle ça, des hémorroïdes, qu'il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de la salat, il lui dit Salli qa'iman, la salat en étant debout. Et si tu ne peux pas, alors assis. Si tu ne peux pas, alors sur le côté. Apporté par le Bukhari. Et également dans le hadith de. Abu Huraira, de celui qui faisait mal à la salat, je crois que l'indication également a été donnée. Naam. Après, deuxième, takbirat et l'ihram. C'est-à-dire le fait de faire le takbir d'ouverture de la salat. Le premier. À voix haute, en levant les mains. Dans la hadith d'Abu Huraira, de celui qui faisait mal à la salat, un Nabi Salam qui a dit Izekum ta'i salat, fa kabbir. Summa karam mati asera ma'akim il Quran. Il lui a dit Nabi Salam, si tu as compris la salat, alors fais le takbir. Dis Allahu Akbar, ensuite récite ce que tu peux du Quran. Et le hadith, le muttafaqun alayhi. Troisième, le fait de réciter le Fatiha. Dans le hadith de Dalis, c'est le hadith de Ubada ibn Samit, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La salata de man lam yakra bi Fatiha del Kitab. Aucune salat acceptée, valide pour celui qui n'aura pas récité le Fatiha. Après, quatrièmement, un recours, l'inclinaison. Et ça, dans le hadith d'Abu Huraira, de cet homme qui faisait mal à la salat, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit C'est-à-dire, incline-toi jusqu'à en être dans la quiétude, dans l'apaisement, sans précipitation. Cinquièmement, un raf minoroko, le fait de se relever de l'inclinaison. Toujours dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Thumma irfa hatta tahtadil qa'ima. Après, relève-toi jusqu'à ce que tu sois debout droit. Après, ça dit San, al-irtidal ba'd ar-ruku. Al-irtidal ba'd ar-ruku, le fait de se tenir droit, d'accord, après le ruku. C'est la même partie du hadith cité précédemment. Septièmement, al-sujud al-arda al-saba'a, le fait de se prosterner sur les sept ossements. Donc déjà le sujud en lui-même, c'est un pilier de la salat. Toujours dans le hadith de celui qui faisait la salat de Abu Huraira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Après prosterne-toi jusqu'à ce que tu sois apaisé en sujud. Et après, les sept ossements, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على جهبة وأشر بيده لأنفي ويدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر متفق عليه كي لدي صلى الله عليه وسلم il m'a été ordonné de me prosterner sur cinq ossements. Il a indiqué son front avec son nez ensemble, après ses deux mains, et les deux mains doivent être bien aplaties sur le sol, et les doigts en direction de la Qibla, également les deux pieds avec les orteils dirigés vers la Qibla, et les pieds sont joints et non pas écartés. Ça, c'est le bout des pieds. Et il a dit voilà nakfit athiyab ou shar, le fait d'accrocher les vêtements ou les cheveux pendant la salat. Par exemple, ce que les gens font souvent, c'est le fait de relever les manches, par exemple. Ça, c'est une chose qui n'est pas permise, ou plutôt il y a un khilaf entre ceux qui voient que c'est pas permis du côté illicite et ceux qui voient que c'est pas permis du côté détestable. Non. Après, le fait de se relever du sujoud, le fait de se relever de la prosternation. Toujours dans le hadith, justement, de celui qui faisait mal à la salat. Quand Allah summa alfa hatta tatma'inna jalisa. Après, relève-toi de ta prosternation jusqu'à en être apaisé, c'est-à-dire assis. Qui est le neuvième pilier, al-jalsa bayna sajdatayn, c'est-à-dire la pose assise pendant les deux prosternations. Dans le même hadith. Après, al-tumanina fi jami al-af'al. La quiétude et l'apaisement dans tous ses actes. Et ça, c'est le dalil dans le hadith Comment elle citait de celui qui faisait mal à la salat? À chaque fois, il disait Hatat ma'inna qa'ima, Hatat ma'inna sajida, Hatat ma'inna jalisa, wa kada. Onzième, est tashahud al-akhir, le dernier tashahud que l'on fait. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله والسلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Donc de là, le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que Allah c'est salam, et que si l'un d'entre vous est assis pour faire son tashahud, alors qu'ils disent ce qu'on vient de citer actuellement là. Dans le fait qu'ils sont, les bonnes salutations sont pour Allah, ainsi que les salawat, ainsi que le tayyibat, c'est-à-dire les tayyibat, les bonnes œuvres. Après il dit salamu alayka ayyuha an-nabiyyu, le fait de passer salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Après il dit le salam sur nous-mêmes, ainsi que sur les serviteurs pieux d'Allah azza wa jal. Thumma qala fa in qala dhalika asaba kull 'abdin salihin fi as-sama'i wal ard. Et si jamais il dit cela, c'est-à-dire celui qui fait le tashahud, son invocation englobera tout serviteur pieux dans les cieux et dans la terre. Et quand les gens diraient dans les cieux, qui serait-ce? Les malaïka, les anges. Thumma yukmil, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qui dit j'atteste qu'il y a d'autres divinités dignes d'être adorées si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager. Qal thumma yatakhayyaru ba'd al-kalam ma sha'a. Et après il choisit ce qu'il veut comme parole. Ce qui prouve qu'il n'y a pas d'invocation obligatoire après le tashahud par la preuve de ce hadith. Car certains disent que le fait de chercher refuge contre le châtiment du feu, contre le châtiment de la tombe, contre la fitna de la vie et de la mort et contre celle du Messie et d'Ajjal, c'est un dua qui est obligatoire. On dit ce hadith-là montre que non. Car il dit bien, يَتَخَيِّرُ بَعْدُ مِنَ الْكَلَمْ مَعْشَى. Il choisit ce qu'il veut comme parole, comme invocation par la suite. Donc cette invocation de demande de refuge contre ces choses-là, c'est mustahab. C'est préférable et non pas obligatoire. Également, la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du tashahud. Dans le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari, qala atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi majlis Sa'd ibn Ubadah. Faqala lahu Bashir ibn Sa'd, amarana Allah ta'ala an nusalli alayka ya Rasulullah. Fa kayfa nusalli alayka? Que l'un des sahabes, l'un des sahaba a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que Allah nous a ordonné de faire la salat sur toi. Et de faire la salat sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de faire du'a pour lui. Et la salat d'Allah sur son messager, c'est le fait que Allah azza wa jal fasse son éloge. Et la salat des malaïka sur nous, c'est le fait qu'ils demandent pardon pour nous, le stighfar. Chaque chose a sa place. Naam. Donc il a dit, le Nabi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. Qu'il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dites, oh Allah, fais l'éloge de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la famille de Muhammad, comme tu l'as fait pour Ibrahim, ou plutôt comme tu l'as fait pour la famille d'Ibrahim, et accorde ta baraka à Mohammed ainsi qu'aux gens de Mohammed comme tu l'as accordé aux gens d'Ibrahim dans le monde. Tu es certes Hamid ou Majid, très loué et splendide. Après il finit en 14e pilier, et aslimatan, le fait de dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à la droite et à la gauche. Et en réalité, le vrai qui est un pilier, c'est le premier. Le deuxième, il est mustahab. C'est le premier qui clôture la salat. Et le dalil, c'est le hadith de Ali, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, miftahu salat at-tuhur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Que la clé de la salat, c'est-à-dire son ouverture, c'est la purification. Après, le fait de la rendre ouverte, c'est-à-dire le sens que tu la débutes, tu rentres dans la salat purement, c'est le takbir, le premier takbir. Et sa fin, comment on la clôture pour en sortir, c'est le fait de faire le taslim. Alors, hadith rapporté par Tirmidhi. Et on a visité la faïda qui est, quelle est la différence entre l'obligation et le pilier dans la salat. Car les deux, si on les délaisse, l'obligation, si on les délaisse obligatoirement, la salat elle est rendue invalide. La différence, c'est que le pilier, quand on l'a oublié, on doit le refaire entièrement. Alors que l'obligation, si on l'a oublié, on se contente de la profanation de distraction, ce qu'on appelle sajou de sahou. Le pilier également, on fait sajou de sahou. Mais le pilier, on doit le refaire. On est obligé de le refaire. L'obligation, on n'est pas obligé de la refaire. Mais dans les deux cas, qu'on ait oublié un pilier ou une obligation, ou qu'on l'ait rajouté, qu'on l'ait fait en plus, dans les deux cas, on doit faire ce qu'on appelle sujoud sahou. Naam. Et comment le faire? De façon résumée, les ulama disent, celui qui a ajouté une chose à sa salat, il fait sujoud sahou après avoir fait le taslim. Et celui qui a oublié quelque chose, hein, qui a réduit une chose de sa salat, il fait le sajoud de sahou avant le taslim. Après, il y a d'autres détails, mais ça c'est le résumé le plus facile à assimiler et à appliquer. Et dans les deux cas, les ulama disent la divergence, elle est large. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème, ça ne va pas du ta salat, si jamais tu te trompes dans l'ordre. Un mshi, c'est que tu l'as fait. Et tu l'as fait à la fin de la salat. Non. Alhamdulillah.